Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Le temps fort génération 5. Marion Seffer, nous allons parler d'un spectacle qui va être présenté à Point commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et cela dans le cadre du temps fort génération 5. Il s'agit d'un spectacle bien que vous avez créé, je crois. Vous êtes metteur en scène, performeuse et artiste associé au théâtre d'Aubervilliers pour faire plus ample connaissance avec vous. Alors, je crois avoir compris que le spectacle dont nous allons parler est né d'un désir de rencontre entre une rappeuse et une danseuse. Est-ce cela ? Oui, c'est tout à fait cela. C'est un spectacle du coup qui s'appelle Pièce d'actualité numéro 12 du Salle. Et au départ, j'avais envie de travailler avec une rappeuse, une jeune rappeuse. Et donc, je suis partie à sa recherche puisque je ne connaissais pas de personne qui correspondait. Je ne connaissais pas de jeune rappeuse. Et donc, je suis allée dans les open mic, les scènes ouvertes, les battles d'Île-de-France. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Et en cherchant la rappeuse, du coup, j'ai rencontré une danseuse, Janice Bielleux, à une battle de hip-hop. Et donc, je l'ai remarquée à ce moment-là. Je lui ai proposé de rejoindre la pièce. Et finalement, j'ai organisé des auditions. Au bout de 3 mois de recherche, pouvoir aussi dire à toutes les rappeuses qui auraient envie de participer à ce projet que je cherchais une interprète. Et j'ai pu auditionner 30 rappeuses. Et parmi elles, j'ai rencontré Original Letty. Donc ça, c'est son nom de scène. Elle s'appelle Laetitia Carfa, avec qui j'ai pu commencer cette pièce. Et donc cette pièce qui s'est construite comme un duo entre la parole, donc théâtrale et rappée, et la danse, et donc un autre type de parole qui est muet. Et donc la question de la pièce, c'est vraiment la question de l'expression de soi et de l'art en fait qu'on choisit pour pouvoir s'exprimer et se révéler et aussi dire tout ce qu'on ne peut pas dire dans la vie sociale. Avec l'idée de cette rencontre, comme on disait, rencontre de deux énergies qui pourraient être au départ opposées, l'une avec ses mots, l'autre avec son corps, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est deux énergies qui sont très complémentaires, où il y en a une qui est très volubile aussi, qui fonctionne beaucoup par éclat, par explosion, je dirais, une énergie qui est explosive, et l'autre énergie qui est beaucoup plus rayonnante, et qui, elle, se construit dans le silence. Et ce qui m'intéressait de construire avec la danseuse Janice Bielleux, c'était de vraiment de faire comprendre en fait au public qu'on peut s'exprimer pas seulement par les mots, mais aussi par tout son être, notamment par la danse, que c'est aussi un langage. Alors, au-delà de la forme d'expression particulière, singulière pour chacune d'entre elles, ce qui est commun entre elles, dans le sujet, voire dans le propos du spectacle, il est dit la chose suivante, elles pulvérisent les assignations que la société voudrait imposer aux femmes, et cela avec lucidité et humour. Comment cela se traduit ? Et est-ce que, effectivement, au travers de ce que je viens d'indiquer, il y a un propos sociétal, un propos politique, voire même ? Alors ça, je vais dire que, si vous voulez, c'est un peu une conséquence. Ça, c'est une interprétation de spectateur, spectatrice. C'est une conséquence du travail, puisqu'on est toutes des femmes. Donc forcément, les gens ont tendance à regarder l'art des femmes comme un art... du coup, de mettre en valeur cette qualité-là, puisque c'est aussi, je pense, un argument de vente aussi. Mais si vous voulez, c'est vraiment faire à partir de ce qu'elles sont, donc, et de ce qu'on est. Le propos, à la base, vraiment, l'idée, c'était pas de faire quelque chose de militant, c'est-à-dire qu'on aurait un message clair à faire passer. Étant donné que le rap est quand même un milieu très masculin, le fait même de choisir une personne qui s'impose dans des codes qui sont masculins, forcément, ça pulvérise des identités qui sont assignées et qu'on connaît. Et puis aussi, il y a notamment une scène dans le spectacle dans laquelle Laetitia Carfa revient sur les relations hommes-femmes et sur la manière dont elle s'enferme dans des rôles qui sont prédéfinis. Donc après, c'est traité vraiment sur le mode de l'humour, comme ce qui est dit. Mais c'est surtout, pour moi, en fait, ce qui m'importe quand je fais une pièce, c'est que moi-même et puis les personnes qui soient sur scène puissent s'exprimer totalement et ne surtout pas rentrer dans un message, c'est-à-dire faire en sorte que ce qu'on va créer suscite des questions, remue et qu'on en sorte non pas avec des idées fixes mais avec plus une énergie et aussi des questions, quoi. Alors parmi ces questionnements peut-être que soulève ce spectacle ou votre démarche artistique, c'est comment on arrive effectivement à faire se rencontrer des univers qui sont au départ pas forcément communs. C'est vrai que jusqu'à présent, quand on parlait d'assignation du rap, de la culture hip-hop, on avait tendance à l'exclure du théâtre en général. Là, aujourd'hui, on a cette impression qu'il y a cette volonté de dialogue, de rencontre entre le rap et le monde du théâtre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres pièces qui le font, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le rap, c'est vraiment devenu une culture, la première musique écoutée en France. Donc ça devient, c'est passé d'une musique underground, marginale, cataloguée, musique de banlieue, regardée avec beaucoup de mépris par la plupart des médias. Il suffit de regarder toutes les émissions télévisuelles des 20 dernières années pour s'en rendre compte. Mmh. Et même encore aujourd'hui, certains articles qui sont écrits, qui oppose les rappeurs à l'ancienne, on va dire, à message conscient, aux rappeurs d'aujourd'hui qui sont dénigrés. Il y a une forme de suspicion quand on parle justement de ces tentatives ou de mettre dans la lumière ces artistes-là. Je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissance et de mépris, c'est-à-dire que quand aujourd'hui on dit que le rap n'est plus inventif ou est juste un produit de consommation, c'est pas du tout vrai. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est l'endroit où l'inventivité au niveau du langage et de la poésie est le plus fort, en tout cas. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de me diriger vers cet art-là, et aussi parce que c'est la première musique écoutée par les jeunes. Et donc, il y avait vraiment ce désir de ma part, à la base du projet, de faire un spectacle qui puisse parler directement aux jeunes d'aujourd'hui, peu importe l'endroit d'où ils viennent, et qui reconnaissent leur code, quoi. Et du coup, c'est ça qui m'amuse beaucoup aussi quand on fait le spectacle, on a souvent des publics très mélangés, où il y a à la fois des spectateurs traditionnels de théâtre, qui ont un regard très affûté sur le théâtre, et qui apprécient le spectacle, et en même temps, des personnes très jeunes qui parfois viennent pour la première fois au théâtre, et qui comprennent d'autres choses que les spectateurs de théâtre ne comprennent pas. Et du coup, parfois ils rient puisqu'ils comprennent des références, ou quand Laetitia fait une reprise d'une chanson de Damso, un rappeur, eux, d'emblée, ils comprennent le rapport qu'elle entretient à ce rap, à cette chanson, etc. Donc pour eux, c'est quelque chose de fort. Et un spectateur de théâtre qui ne connaîtrait pas le rap, lui va entendre d'autres qui réagissent à côté, qui sont jeunes, qui devraient ne pas connaître, mais qui, en tout cas sur ce sujet-là, connaissent. Et ça, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que de renverser aussi les rapports de pouvoir qui se construisent d'emblée au sein même de la salle de théâtre, entre les différents types de spectateurs, etc. J'ai bien compris, nous avons bien compris. Vous parliez de décoder, peut-être l'occasion de le faire pour expliquer le titre de ce spectacle, pièce d'actualité numéro 12, du SAL. Alors il y a deux informations bien distinctes, oui. Aidez-nous à comprendre. Alors pièce d'actualité numéro 12, c'est vraiment, c'est une série de pièces qui a été lancée par le Théâtre de la Commune, à Aubervilliers, où il propose différents artistes et metteurs en scène de créer des pièces à partir du territoire d'Aubervilliers. Cette pièce-là, c'est la 12e dans ce cadre de production qui est celui-là. Et du SAL, donc ça c'est le titre que j'ai choisi. Alors c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une expression très en vogue dans la culture hip-hop notamment en ce moment, mais qui a basculé dans le langage courant. Donc faire du sale, on va dire que c'est faire les choses bien, c'est faire de la qualité. Il y a plusieurs morceaux de rap qui en parlent. Par exemple, un morceau de rap de Damso, il dit « je fais que du sale, je fais que du sale, je fais que du sale ». Ça veut dire qu'il fait de la qualité. Ça veut aussi dire prendre le dessus par le fond. J'ai choisi ce titre pour que ce soit... ça parle directement aux auditeurs de rap, et en même temps pour que ça donne un bon indicateur d'énergie au spectacle, et puis ça nous permettait à nous, en commençant la pièce et puis les répétitions, de nous donner de l'ambition. Voilà. Je crois que tout a été dit, en tout cas l'essentiel pour cette pièce d'actualité numéro 12 du SAL, et qui, je l'ai bien compris, eh bien c'est un peu à l'inverse quant aux résultats. Les vendredis 7 février à 19h, le samedi 8 février à 18h, ça sera donc à l'affiche de Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise, au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre. Un grand merci à vous, Marion Sieffert. Merci. Mais pourquoi vous avez dit à l'inverse niveau du résultat, je n'ai pas compris. C'est dans la formulation du SAL, justement. C'est une expression qui, elle-même, est à l'opposé de ce que ça signifie. Ah, d'accord. Ah oui, c'est pas... C'est pas le résultat de votre travail. Si, on fait du SAL, justement. Oui, alors, vous faites du SAL, mais qui, c'est dans le sens, je m'appuyais pour expliquer que, contrairement à ce que dit littéralement du SAL, c'est l'inverse qui est produit, c'est-à-dire du beau. C'est-à-dire c'est pas au sens propre. Voilà. Après, ça, c'est des grandes questions esthétiques. Hein. Vous saviez que Baudelaire, il disait qu'il allait chercher la beauté dans la laideur. Oui. Donc, après, ça, c'est des questions esthétiques. Mais en tout cas, c'est pas au sens propre, c'est au sens figuré, bien entendu. Bien sûr. Le spectacle, on ne se salit pas, on ne sort pas avec sa chemise tachée en sortant de ce spectacle. Très bien, c'est bien noté. Merci à vous, Marion.